avec tes feuilles d'or. Pétersbourg, tu ressembles à Venise en robe du Nord. Pétersbourg, tu n'as qu'un seul manteau et c'est un manteau blanc. Sur la Neva en reflet d'argent, tes violons, violonnes au ciel qui se déchire et nous traînent des traîneaux de souvenirs. Quel que soit ton nom, surtout n'oublie jamais Doriro. Chauffeur de brume, les bateaux frileux qui sont.